Laurent, tu m'entends? Hein? Est-ce que tu m'entends, Laurent? J'ai mis Lolo, tu m'entends? Quand je te parle? J'ai branché la basse. J'ai branché un micro là. Tu devrais m'entendre normalement, non? Hey Joe, where will that gown in your hand? Tu m'entends? Ah ça y est, je t'entends. Tu m'entends là? Oui, je t'entends. Ouais, je t'entends, c'est synchro, ouais. Super, je t'entends, ouais. Moi, je t'entends parler, ouais. Ouais, y a pas je t'entends. Décalage, rien. Est-ce que tu as mis ton... Non. Oui. Ouais, hein, oui, ça je t'entends. L'air. Ouais. Oh, c'est super, c'est bon. Là. J'ai mis quoi? Check 1. Hey. Bah si, j'ai l'impression qu'on est décalé, moi. Alors tout à l'heure, j'ai joué avec toi et puis c'était bon. Hein, j'avais, pour moi, on était synchro tous les deux. Ah bon? Pourtant, tu t'es mis à combien tu m'entends, en 12 mesures? Ah oh.